puis laisser la musique. En ce qui concerne les questions qui font référence au dernier PMC+, il va sans doute y avoir un retour qu'on va faire sur le PMC+, que moi je vais animer pour corriger, ajuster. Mais nécessairement, en attendant, je vous laisse le temps de pratiquer, de vous démêler un peu. Alors, je ne répondrai pas à ces questions-là aujourd'hui. Alors, on y va pour les questions. C'est l'esprit qui vieillit et ainsi fait vieillir le corps. Cela déjà est faux. Ainsi, si je veux avoir 20 ans, je dois en avoir la mentalité. C'est faux aussi. Ce retour en arrière ne me plaît guère. Est-il possible de rajeunir sans avoir la mentalité d'avant? Oui. Pour moi, s'il y a fusion, ce ne sera plus la même nature. Donc, plus de métro, d'autobus, de centre de l'universalité. Juste quelque chose de dense, fluide et vibratoire. Est-ce exact? Non. Une lumière qui se rétracte, pénètre dans le milieu et ressort si le milieu est pur avec le même angle d'incidence. L'énergie supplémentaire se réfracte-t-elle ou se reflète-t-elle? Elle ne se réfracte pas et elle ne se reflète pas. C'est une vision tridimensionnelle qui fait poser ces questions. Il est temps que vous vous ajustiez à vous-même. L'homme attend toujours d'être sursaturé avant de bouger, ce qui n'est pas écologique comme gaspillage d'énergie. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. L'homme n'attend pas d'être sursaturé. C'est une question. La sursaturation est un phénomène de l'ego qui dépend d'un concept d'agissement. Lorsque les nuages se mettent à pleuvoir, ils sont sursaturés. On pourrait dire, pleuvez donc, gang de cons, attendez pas d'être sursaturé. La sursaturation provient de l'impatience de l'observateur. Le nuage, lorsqu'il se met à pleuvoir, n'est pas sursaturé, il est juste prêt. Le libre-arbitre n'existe pas. Les entités n'ont pas le libre-arbitre de se réincarner chez nous, ni nous de les accepter. L'esprit ne décide pas plus que l'astral, parce que tout est soumis à une mécanique soumise à elle-même. Le libre-arbitre est-il un arbitre libre ou s'il est vendu? L'esprit ne décide pas plus que l'astral, c'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine des quatre dimensions que nous connaissons, il ne peut pas y avoir de libre-arbitre. Il n'y a pas de libre-arbitre. Il n'y a pas d'intentionnalité. L'esprit provient d'un monde au-delà des quatre dimensions, alors il a un libre-arbitre tout à fait différent du libre-arbitre illusoire de l'astral. Est-ce que lorsque nous parlons du libre-arbitre, nous essayons, lorsque moi j'en parle du moins, j'explique le phénomène de l'abstinence de libre-arbitre qui existe dans le monde des quatre dimensions de l'homme, qui fait référence à sa cognition astrale, entre autres. Lorsque je dis que l'homme a quand même la faculté d'être libre, même s'il n'a pas la faculté d'avoir un libre-arbitre, c'est qu'il vivra un libre-arbitre dans d'autres dimensions de son existence, mais il ne pourra pas rester dans cette mécanicité de libre-arbitre lorsqu'il l'exprime dans les quatre dimensions que nous avons vues. Il n'y a pas de libre-arbitre tant que l'être humain est relié à une cognition astrale mémorielle, c'est-à-dire tridimensionnalisée, supportée par le temps. Il n'y en a pas. Chaque chose reliée, tout à l'heure j'ai expliqué qu'à l'instant où il y a eu la création, il y a eu l'emmagasinement, l'emprisonnement de 11 dimensions exprimées dans quatre dimensions. Le libre-arbitre n'existe pas là-dessus. Donc, tout ce qui fait référence aux planètes, aux matières, des neutrinos allés jusqu'aux matières les plus denses, animés ou non par l'énergie vitale, donc l'homme, la planète, les arbres, tout ce qui est créé impose son temps et son espace aux autres. C'est la limitation du continuum spatio-temporel, c'est la limitation de la cognition carrée, cubique. Quatre dimensions, hauteur, largeur, épaisseur et présence. Le temps. Nécessairement, moi, j'impose mon espace-temps du point de vue de mes quatre dimensions. J'imposerai donc mon espace-temps du point de vue des quatre dimensions de mon ego. Donc, si je me sens mal, je pourrais perturber des gens. Si je ris, j'engendrerai le rire chez les gens. J'impose mon espace-temps matériel. Vous ne pouvez pas vous asseoir où je suis assis. J'impose mon espace-temps vital. Ce que je ramasse en énergie, vous ne l'aurez pas. J'impose mon espace-temps astral. Donc, je pourrais induire, comme je pourrais induire physiquement avec un coup de poing. J'impose mon espace-temps mental, ce qui me permettra d'opinioniser les autres. Le libre-arbitre là-dedans n'existe pas. La liberté au niveau du concept de l'homme existe. Mais l'homme ne sera jamais libre tant que l'homme sera encarcanisé dans cette quadridimensionnalité de la conscience. Alors, le libre-arbitre, un arbitre libre, j'ai le mot intéressant. Il faut comprendre qu'il n'y a de libre-arbitre que lorsque les 11 dimensions sont restaurées librement. Il n'y a pas de libre-arbitre dans un endroit qui s'appelle prison, c'est-à-dire dans un espace-temps. Chaque fois qu'une planète bouge, elle fait bouger la galaxie. Elle fait bouger tout ce qui fait référence à son système solaire. Cela induit des perturbations solaires qui vont nécessairement au niveau photonique et au niveau des radiations de ce soleil perturber les captations solaires ailleurs, des autres étoiles, même si cela fait référence à des années-lumière de distance. Chaque fois qu'on arrache une fleur, on dérange une étoile. Il n'y a pas de libre-arbitre dans un continuum spatio-temporel. Il y en a un au-delà. Il n'y en a pas dans le contexte astral de l'homme actuel. Après une initiation, comment faites-vous pour continuer à vivre comme avant? Très simple. On ne vit pas comme avant. Nous sommes des relais de l'énergie supramentale et donc l'éprouvette est dans l'énergie et non l'énergie dans l'éprouvette. Si l'ego se brise et donc l'éprouvette, l'homme se dissout-il dans le supramental? Non. Un diagnostic révélant chez une femme que son corps fabrique des hormones mâles en plus grande quantité que les hormones femelles, quelle est la solution? Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que le corps physique de la femme sécrète plus d'hormones mâles. Ça révèle cela. Au niveau du décodage du message supramental imbriqué à travers le périsprit de son âme parce que le mental n'a pas su le digérer et parce que l'ajusteur de pensée n'a pas su l'ajuster. J'ai expliqué dans une conférence sur le décodage de la maladie que l'individu devait lui-même faire le travail du décodage. J'ai donné les clés, j'ai donné ce qu'il fallait et j'ai dit que je ne donnerais pas les réponses. Quelles sont les 7 autres dimensions? On en parlera en temps et lieu. Commençons par nous sortir de nos 4 dimensions puis de simplement englober la phénoménologie de la limitation quadridimensionnelle. Si j'amène les 7 autres dimensions immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour arriver à les faire comprendre, je vais devoir les embourber dans des mots quadridimensionnels et m'arranger pour que finalement la conscience astrale puisse arriver à comprendre ce que je dis. Donc, autrement dit, je vais prendre les 7 dimensions et je vais les expliquer d'une façon quadridimensionnelle. Bref, je ne vais rien expliquer. Alors, c'est pas le temps. Est-ce qu'elles ont une relation entre elles? Non. Comme le temps n'a pas de relation avec l'espace. La seule relation que le temps a avec l'espace, c'est que présentement, il est encapsulé dans la même condition où seul l'observateur voit la relation. Le 5% d'intelligence qui habite l'homme est-il seulement la conscience individuelle, colorée par l'ego, qui, s'il était absent, rendrait le 5% d'intelligence identique dans chaque être humain faisant partie d'un même faisceau, et même plus loin de la seule et unique source, le Big Bang, disons anti-Big Bang. Oui. Est-ce pour cela qu'il faut s'anégoïser, pour s'unir, pour unir la matière corps physique dans l'expression intelligente? L'anégoïsation, c'est faire de la place. La négoïsation, c'est la destruction des conceptualisations émotives, cartésiennes, intellectuelles ou théologiques, quadridimensionnalisées par l'ego, qui a comme fonction de boucher le trou qui empêche l'expression totale du 5% d'intelligence, qui l'empêche donc de s'ennuyer. s'en égoïser, c'est limiter la cognition astrale, limiter la conscience astrale, limiter le degré d'impatience, limiter le degré de recherche de l'expérience, limiter le degré de l'impression de la souvenance, limiter le degré d'intellectualisation des mémoires au niveau de l'évolution, tout en permettant au mental de prendre la relève sur les conditions nécessaires à l'existentialité des plans évolués, autrement dit à la vie. La négoïsation garde l'humain efficace dans son travail, dans sa vie familiale, dans la gestion de son corps physique, tout en éliminant tous les principes anti-évolutifs qui ont pour fonction d'occuper l'espace-temps en attendant que l'espace-temps se voit démoli par l'absorption des 7 dimensions prisonnières à l'intérieur de ces 4 dimensions. Autrement dit, lorsque l'être humain s'en égoïse, il détruit lentement la conceptualisation quadridimensionnelle de ses perceptions cosmiques. Cela veut nécessairement dire qu'au fur et à mesure que l'humain s'en égoïse, vient s'espritiser dans sa propre substance matérielle un contexte supramental de premier abord qui va venir absorber, différencier, discerner à travers les 11 dimensions quadridimensionnalisées de l'homme, celle-ci. La négoïsation est la perte de l'ego. La perte de l'ego est la perte de l'âme. La perte de l'âme est la perte du concept évolutif quadridimensionnel. Il y restera le corps quadridimensionnel tant que le corps ne sera pas éthérifié. Il y restera le plan vital quadridimensionnel. Disparaîtra le plan astral quadridimensionnel. Disparaîtra par la suite, beaucoup plus loin, le plan mental quadridimensionnel et apparaîtra lentement un plan pluridimensionnalisé qui n'a foutrement rien à voir avec les limitations conceptuelles des 4 dimensions primaires de l'homme. Autrement dit, arrêtez de se poser trop de questions. Le seul fait de savoir l'existence d'une autre dimension suffit pour le moment. On doit se poser des questions et on doit se foutre royalement des questions que l'on se pose. Cela devient de l'attente active. Que veut dire faire la grève dans la conférence sur la motivation? C'est une question que je ne répondrai pas aujourd'hui, du moins pas pour l'instant. J'en ai parlé suffisamment à cette conférence, on peut réécouter les cassettes, sinon on pourra y revenir. Combien y a-t-il de catalyseurs d'énergie, les nommés, avec lesquels travailler? J'aimerais, avant que nous nous retrouvions, que vous ne conserviez en vibration que l'idée obstinée de l'illusion du « quand » et du « où ». Pour ce fait, je ne répondrai pas aux questions qui ne regardent pas le « quand » et le « où ». Je ne veux pas vous occuper. Les autres questions sont importantes. On doit digérer l'illusion du quand et du où pour parvenir par la suite à poser les questions comme elles doivent être posées, en fonction d'une explication supra-quadridimensionnelle, même si on se sert des mots qui ont une limitation des dimensions. Avant le temps, je ne suis rien. Après le temps, je ne suis rien. Donc, dans le futur, il n'y a pas de temps. Je n'aurai jamais existé. Oui ou non? Est-ce que présentement, il y a un 8e super-univers préexistentiel? Avant le temps, je ne suis rien. Explication quadridimensionnelle. Avant les 4 dimensions, il y en avait 11. Autrement dit, il n'y avait rien. C'est une vue réellement obstinée des 4 dimensions. Avant le temps, il n'y avait rien tel que nous le concevons d'une façon aveugle. C'est comme de dire, avant la couleur bleue, il y avait la lumière blanche. Autrement dit, avant la couleur bleue, il n'y avait pas de bleu. Le bleu était inclus dans la lumière blanche. Il n'y avait pas rien, il y avait plus. Mais du point de vue du bleu, il n'y avait rien, parce que le bleu ne pourra pas voir le bleu dans la lumière blanche. Après le temps, je ne suis rien. Explication limité par la conscience quadridimensionnelle de l'astral. Je ne blâme pas, je veux que vous compreniez qu'est-ce que c'est quand les quatre dimensions veulent connaître un phénomène 11 fois dimensionnalisé. Il n'y a pas de temps, je n'aurai jamais existé. Effectivement, vous n'aurez jamais existé pour la simple raison que vous n'existez pas. Du point de vue de la cognition astrale, nous existons. Nous paramétrons tout ce que nous voyons avec des limites. Limites qui nous embêtent, que nous voulons dépasser, que nous voulons défoncer, et limites avec lesquelles nous essayons de comprendre des choses qui n'ont pas de limites. Une pomme est une pomme. Quand je la mange, la pomme, c'est moi. Quand je la chie, la pomme, c'est plus moi. C'est où la limite? La limite, elle est très paramétrée entre la bouche et l'anus. Elle est là, la limite. Et c'est tout. À travers cela, l'homme, qu'est-ce que c'est? L'homme, c'est un phénomène qui mange de la matière et circulant dans la matière qui mange à travers ce qu'il va excréter, il dit, c'est moi. Essayez d'imaginer qu'est-ce que c'est l'homme. Non, non. Couché. Essayez d'imaginer qu'est-ce que c'est l'homme. L'homme, c'est un phénomène qui est une forme qui n'a aucune consistance. Derrière lui, il y a de la merde. En avant, il y a de la nourriture. Juste ça. L'homme est une grande bouche, puis un grand trou de cul. L'homme avance là-dedans comme un bulldozer et tout ce que l'homme fait, il prend la nourriture et la transforme en excréments. C'est tout ce qu'il fait. L'homme ne fait que ça. Et à travers cela, l'homme se dit « Hey, c'est moi! Hey, c'est moi! Hey, c'est moi! Hey, c'est moi! Non, c'est pas moi! Non, c'est plus moi! Hey, c'est moi! » L'homme ne fait que passer à travers de l'énergie et l'énergie au travers duquel il passe, il la transforme. Il respire de l'air qui n'est pas lui. Il expire de l'air qui n'est plus lui. Et pendant un laps de temps, il s'est identifié à celui-ci. Il mange des aliments qui ne sont pas lui, il excrète des choses qui ne sont plus lui, et pendant un laps de temps, il s'est identifié à ces choses. Il boit de l'eau qui n'est pas lui, il urine de l'eau qui n'est plus lui, et pendant un laps de temps, il s'est identifié à cette chose. Qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est une cellule constituée de choses qui n'étaient pas vous, qui ne sera pas vous. Et à travers cela, on reste confiné à dire, c'est moi. C'est mon corps. Regarde-moi la face. Très intéressant. Avant, je n'étais rien. Demain, je ne serai rien. Qui suis-je aujourd'hui? L'homme, c'est l'alliance du quand et du où. Le quand et le où contiennent les autres dimensions. Puis l'homme est l'alliance de ces deux choses-là. La matière ne se pose pas la question du où ni du quand. L'animal ne veut pas savoir quel âge il a et ne veut même pas savoir où il est. Il marche, il se promène, il n'a pas cette conscience. L'homme va dire il a 3 ans. L'homme ouvre la gueule à un cheval et va dire il a 7 ans. L'homme parle du quand. L'homme essaie de connaître le où. Pas juste au niveau du plan matériel, mais au niveau des sphères d'évolution. L'homme est l'alliance du quand et du où. Mais à travers la cognition astrale, à travers la question astrale que l'on peut se poser, l'homme, qu'est-ce que c'est? L'homme, c'est simplement rien. Un courant de vent froid qui, traversant de l'eau, eh bien, il gèle l'eau. L'homme, c'est la glace. La glace fond en arrière, elle gèle en avant, ce qui fait que l'homme semble avancer. L'homme, c'est quoi? Avant le temps, je ne suis rien. Après le temps, je ne suis rien. Donc, dans le futur, il n'y a pas de temps. Le futur n'existe pas, fait que nécessairement, dans le futur, il n'y a pas de temps. Oui ou non? Nous passons. Et à travers ce que nous passons, nous solidifions dans une perception quadridimensionnelle tout l'événementiel de notre vie, ce qui engendre le ce que nous sommes. Nous sommes. Nous sommes au-delà de l'explication quadridimensionnelle. Nous sommes au-delà des sphères d'explication planétaire. Nous sommes au-delà des explications archétypales. Nous sommes au-delà des explications divines. Nous sommes au-delà des explications théologiques. Nous sommes autre chose que de la peur. La peur est de la friction. C'est le déplacement. Nous sommes le déplacement. Nous sommes les choses déplacées. Nous sommes le support. Mais pas séparément. Qu'est-ce qu'être présent dans la réalité? C'est ne pas se poser ces questions. À l'instant où l'homme pose la question, il est déphasé avec le présent dans la réalité. Quelle est la différence entre être et le néant? Le néant, ça n'existe pas. Le néant est une structure quadridimensionnelle reliée à la cognition astrale qui lui permet de projeter au-delà de ce qu'il connaît l'inexistentialité. Le néant pour l'humain est lorsque tu fais partie des 11 dimensions. Le néant pour l'humain est lorsque tu arrives à échapper aux traditions quadridimensionnelles. Le néant pour l'humain est lorsqu'il n'y a plus rien de la quadridimensionnalité. Le néant pour l'humain est lorsque le 5% d'intelligence se retrouve seul dans un être humain tout à fait anégoïque, alors qu'il n'y a pas encore suffisamment de mutations structurales pour permettre aux 6, 7, 8% lentement de remplir les conditions exprimées de l'énergie. Le néant, c'est cela. Être, c'est être. C'est se foutre du temps, se foutre de l'espace. C'est, comme on dit, pour faire collectif, c'est se laisser être. À travers le être, il y a le phénomène de la manipulation de ce que nous ne sommes pas. L'humain, qui est manipulé et qui ne le sait pas, est plus proche de l'état d'être que celui qui lutte contre la manipulation ou qui est manipulé et qui le sait. Sauf que le rôle de l'homme n'est pas de rester dans un état d'être, il doit passer à un autre état d'être, où il sera le maître-contrôleur, où il sera un être-contrôle, où il deviendra un homme miracle, du point de vue de l'explication quadridimensionnelle, où l'homme sera finalement autre chose, il pourra échapper dans sa conscience, dans sa cognition vibratoire. Elle est vibratoire en ce sens qu'elle ne peut pas être cristallisée, elle ne peut pas être densifiée, elle ne peut pas être refroidie en mots, elle ne peut pas être refroidie en perception émotive, elle ne peut pas pénétrer les quatre dimensions. Les sept autres dimensions, l'homme, les sept autres dimensions, on va y revenir. Si elle dit qu'il y avait 11 dimensions, nous connaissons les quatre premières. Il y a des personnes ici qui s'amusent et qui gaspillent du papier. Je me fous de où, mais je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que le supramental peut répondre au pourquoi? Il ne répond pas au pourquoi parce que le phénomène de la question est déjà attribuable à la quadridimensionnalité de l'ego. Le supramental est une condition qui passe. L'ego, l'absorbant, peut l'absorber sous forme de réponse, sous forme de question. Il l'ajustera à la déformation quadridimensionnelle qu'il fera. La question fait partie du règne de l'homme. La réponse fait partie du solutionnement du règne de l'homme. Sauf que lorsque l'homme passe au-delà du règne des quatre dimensions, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas ce genre de schisme, de problème, de scission. Je me fous du où, c'est faux. Parce que je veux savoir pourquoi. Le pourquoi est l'alliance dans l'homme du où et du quand. Subtil, analysé. Et nécessairement, seul l'homme posera la question pour quoi. Pourquoi sommes-nous sur cette planète? Réponds à mon 6%. Parce que tu as encore trop d'ego. La lumière est combien de dimensions? Qu'y a-t-il de plus rapide que la lumière? L'impression n'est pas allée assez vite, c'est lorsqu'on touche les limites peut-être. Je répondrai une autre fois, je veux que vous conserviez, même la personne qui dit « Ah oui, mais moi j'ai compris. » T'as compris? T'aimerais-je répondre? T'es donc impatient, t'as pas compris. Y a-t-il une lumière dans la noirceur? Oui, puisque l'on peut voir la noirceur. Non. On ne voit pas la noirceur. Lorsque l'on voit la noirceur, c'est qu'on ne voit plus ce qu'il y a. Il y a de la lumière dans la noirceur, des rayonnements cosmiques, de la lumière, mais nos yeux ne sont pas faits pour les percevoir. Il y a de l'énergie vitale. Ce n'est pas encore olfactivement, oculairement que l'on va le voir. Il y a de la lumière dans la noirceur, mais une lumière, c'est-à-dire une onde vibratoire de l'ordre de la lumière, qui fait partie de la lumière de ce que notre œil ne voit pas. L'ultraviolet, on ne le voit pas. L'infrarouge, on ne le voit pas. C'est de la lumière dans la noirceur. Si on voit la noirceur, en réalité, c'est qu'on ne voit plus. Si je coupe les nerfs optiques de vos yeux, vous allez voir la noirceur. Alors, en réalité, vous ne verrez plus la clarté. Si on se sert de l'eau pour faire de l'électricité et que l'électricité est le feu du mental, alors l'âme survit dans le mental. Y a-t-il une lumière qui existe sans électricité autre que le feu par friction? Oui. Et on se sert de l'eau pour faire de l'électricité, et que l'électricité est le feu de l'âme, alors l'âme survit dans le mental. C'est très intéressant, mais ce n'est pas une question, c'est une déblatération. On se sert aussi du charbon pour faire de l'électricité. On se sert aussi de l'uranium pour faire de l'électricité. On se sert aussi des forces motrices pour faire de l'électricité. On se sert aussi du pétrole pour faire de l'électricité. Bon. Si A devient B, A n'est plus, n'a jamais été, dans l'évolution, n'existe pas. Il n'y a que des états ou réalités sans relation. Pour s'apercevoir du changement, il faut que quelque chose ne change jamais pour comparer le changement. Est-ce la tridimensionnalité qui ne change jamais? C'est intéressant. Étant donné que dans le continuum quadridimensionnel et qu'effectivement cette quadridimensionnalité ne change pas de par son principe, l'humain pourra, s'il aurait l'occasion d'observer son changement, seulement le carcan de la quadridimensionnalité. Sauf que lorsqu'il va le quitter, le carcan, il n'aura pas besoin, il ne recherchera pas l'observation du changement. On est toujours confiné à la même chose. Celui qui n'est pas veut savoir. Celui qui est ne le sait pas. S'il reste 15 milliards d'années avant que tout s'accomplisse, comment raisonnablement pouvons-nous espérer voir le bout du tunnel? Elle a souligné raisonnablement. Nous ne pouvons pas raisonnablement espérer voir le bout du tunnel. Hostie. Raisonnablement, c'est quadridimensionnel. Comment pouvons-nous, dans un raisonnement, comment pouvons-nous, pour que cela fitte avec l'espace quadridimensionnel, qui est limité par le temps et qui vit l'impatience, penser voir le bout du tunnel? Raisonnablement, non. Si à ma mort, les 56 000 entités qui nous composent se dissolvent chacune de leur côté, font-elles de même dans le rêve? Il y a plusieurs rêves chez l'homme en même temps, mais selon la quantité d'agglomérats. Les agglomérats sont constitués par différentes entités réincarnatives, donc il n'y aura pas, s'il y a 56 000 personnalités réincarnatives, il n'y aura pas 56 000 rêves. Par contre, il y aura suffisamment de rêves selon le nombre d'agglomérats, et les agglomérats les plus puissants seront ceux qui pourront engendrer le rêve chimique, qui sera celui que l'on pourra se rappeler si on s'en rappelle. Sinon, comment peuvent-elles être fusionnées en nous comme une pâte à gâteau et après se séparer en œufs, eau, farine du gâteau? Ce n'est pas tellement compliqué. Il faut bien comprendre que nous vivons dans des dimensions qui font partie des dimensions. J'ai déjà expliqué dans une conférence ici les plans dans les plans. Si je prends certaines substances qui vont être fusionnées, je peux prendre du soufre mélangé à du fer, à de la limaille de fer. Je brasse ça convenablement, c'est Lego. J'observe, ce n'est pas tout à fait jaune, ce n'est pas tout à fait noir, c'est comme grisaillé. Comment puis-je séparer le fer du soufre? Je prends un aimant, je sépare le fer du soufre, c'est simple. Deux rails. Lorsqu'ils reviennent, ils se remélangent. S'il y a une fusion des personnalités réincarnatives, s'il y a une fusion de ces personnalités, je vais chauffer mon plat. Le soufre va se fusionner au fer pour créer une espèce de sulfure de fer. Il est indissociable. Les mains ne marchent plus. Elles n'attirent même pas la substance. Même si tu fais de l'air. Cette chose-là va rêver, c'est un agglomérat constitué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego de l'homme a comme ciment l'amour, l'émotion, l'expérience intra-amique. Dans le monde de la mort, les agglomérats vont se fusionner à d'autres agglomérats similaires et l'expérience intra-amique, elle, sert de substance qui est suffisamment vitalisée pour rester pluguée au monde de la mort, à la membrane périsphérique du monde de la mort, ce qui fait que seuls les agglomérats vont rentrer et ils vont se séparer selon leur subtilité. De cette façon, ça se passe. Ou bien la création existe, ou elle n'existera plus. Ou bien elle n'existe pas et n'aura jamais existé, puisque seule la mémoire l'aura fait exister. Mais comment peut-elle exister présentement et elle n'existe pas puisque seule notre mémoire l'a fait exister, puis après coup ne jamais avoir existé? C'est antilogique. Exact. Tout à fait antilogique. La logique, qu'est-ce que c'est? C'est encore un phénomène des quatre dimensions de l'homme. La logique, c'est le mental assujetti par l'ego. La logique, c'est la faculté de comprendre la mécanicité quadridimensionnelle du monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons fonctionner par la logique et nous devons fonctionner par la logique pour comprendre les choses. C'est logique de ne pas manger du cyanure, tant que tu ne peux pas en manger. Pour comprendre les contextes 11 fois dimensionné. On ne peut pas procéder par la logique. Tant que la Terre est plate, voyons donc, c'est logique que tu ne peux pas en faire le tour. Lorsque la Terre devient ronde, c'est logique que tu ne peux plus voyager aux quatre coins du monde. Tant que le soleil tourne autour de la Terre, c'est logique, certaines choses. Quand c'est la Terre qui tourne autour du soleil, c'est logique, autre chose. La logique ne peut pas expliquer l'inconnu. La logique ne nous permet que d'engendrer de l'efficacité dans le connu. Logiférer sur l'événement, logiférer sur la mémoire, logiférer sur l'expérience, logiférer sur le perçu. Donc, logiférer sur le connu. La logique, elle est intéressante parce qu'elle permet à l'ego de pouvoir supporter le contact problématique avec l'illogisme. C'est logique que l'homme meure dans le contexte où on a expérimenté la mortalité de l'homme. C'est logique qu'il faille une femme pour faire un enfant avec un homme. Un homme tout seul ne fait pas d'enfant. C'est logique. C'est logique dans le contexte expérimenté des sexes. C'est logique qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. C'est logique que le poisson peut respirer sous l'eau. Le poisson, il a des branchies. Mais t'as bien un nez, toi, respire donc sous l'eau. Ah non, c'est là, c'est illogique. À cause de ce que nous avons expérimenté et quadridimensionnellement mémorisé. La logique ne peut pas servir à l'initiation. La logique, comme l'intellect, ne peut pas servir à l'expression de la conscience supramentale. Lorsque je parle, il faudrait que je logifère ce que je vais dire. Je ne dirai plus rien. Ou je dirais des saloperies, comme plusieurs conférenciers, comme plusieurs personnes disent et écrivent. La logique ne peut pas faire référence. Dieu, est-ce que Dieu est logique? Non. Comprendre cette mécanicité, comprendre la mécanicité astrale par la logique? Non. Logiquement, il faut un créateur. Il n'y a pas de créateur. C'est illogique, exactement. Robindo et Mère vont-ils sur Yacano, Québec? Ça dépend. Si vous continuez à être accueillant, peut-être. Dans combien d'années? Quand? Au Québec, où? Reviendront-ils ensemble? Aurobindo et Mère, c'est le plus beau roman arlequin du monde. Ce n'est pas parce que c'est le plus beau roman arlequin du monde que ça doit absolument ne pas arriver, n'est-ce pas? Bon. Si le libre-arbitre n'existe pas, l'homme, avant de s'auto-créer, avait tout prévu, chaque geste, chaque mot. J'ai expliqué souvent, mais on va y revenir, alors je ne vais pas crier là-dessus. Il n'y a pas de libre-arbitre, et non plus, il n'y a pas de destinée. Bon, mais on va. Chaque geste, chaque mot est prévu. Non. Une condition mécanique va apparaître. On ne sait même pas où et qui devra la faire expérimenter. C'est pourquoi la tentative devient une solution. Se peut-il qu'il ait tout planifié du déplacement d'une taupe d'un ver de terre jusqu'à l'achat de son vélo? Tout cela est mécaniquement prévisible. Cela n'a pas été intentionnellement planifié. Il y a, à travers ce chaos, l'antécréation, une explosion créationnelle où des multiples forces vont se pousser les unes contre les autres, jusqu'à être assimilés dans trois dimensions. Les trois dimensions vont s'appuyer les unes sur les autres à travers l'expression des 11 dimensions. Et lorsqu'un équilibre sera atteint, à partir de là, la mécanique va devoir découler. Elle n'est pas intentionnelle, elle est officielle. Est-il exact qu'un physicien au Québec ayant eu l'équation de propulsion des vaisseaux OVNI a découvert que E égale MC3 et non E égale MC2? L'énergie est effectivement égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière en accélération. MC2. L'antigravité ou l'explication d'un phénomène énergétique au-delà du concept quadridimensionnel sera égale à la masse planétaire ou la masse que nous connaissons multipliée par la vitesse de la lumière en accélération. Mais cela ne provient que de la mixture où nous découvrons une puissance masse qui n'est pas égale à la puissance masse planétaire. Cela veut dire que énergie n'est pas égal à énergie. Énergie extraterrestre n'est pas égal à énergie terrestre. Et lorsque je parle d'énergie extraterrestre, je ne parle pas de la matière extraterrestre, je parle de l'involution plus évoluée que nous autres dans sa phase apparente, comparativement à la densité massive qui un jour sera tributaire chez l'homme. Autrement dit, lorsque nous parlons de MC 3 au cube par rapport à MC 2 au carré, nous faisons référence à deux formes de masse qui ont une tendance à s'automêler dans le contexte quadridimensionnel de cette création. J'ai le goût d'en parler, mais je vais mélanger certaines choses. Je veux qu'on reste à ce que nous avons présentement vibré, le « où » et le « quand », et nous devons poser la question avec le « où », avec le « quand », ce n'est pas un problème. Nous ne devons plus vivre chez nous une évolution « quand » « où » quadridimensionnalisée. Nous devons comprendre que la logique ne peut pas nous permettre de comprendre. Nous devons comprendre que le « où », le « temps », que les limites, que les dates, que la numérologie, que plusieurs autres choses ne peuvent pas nous permettre de comprendre. Ça peut nous permettre de travailler avec la matière quadridimensionnelle. La numérologie peut nous permettre de travailler avec la matière dimensionnelle. Avoir une montre, les dates, ça peut nous permettre de travailler avec la matière quadridimensionnelle. Mais ça ne nous permettra pas de comprendre. Ça va nous permettre de vivre soumis. Ce n'est pas grave de vivre soumis. Si, en même temps, on veut comprendre. L'homme s'est créé lui-même et, en même temps, se sert du canal pour lui-même. Pourquoi l'homme, dans le non-existence, a-t-il besoin de s'apprendre de sa propre bouche des choses qu'il sait déjà? Alors, on revient encore au même phénomène. C'est que l'être humain est un phénomène envoyé à travers les quatre dimensions de la création dans le but de dissocier toutes les mécanicités qui ont été emprisonnées. Il ne s'apprend rien. Nous ne sommes pas sur la planète Terre pour apprendre. L'apprentissage est question de mémoire. L'apprentissage est question d'occupation. L'apprentissage est question de quadridimensionnalité cubique. L'apprentissage, et retenez ce mot, fait partie de la conscience cubique de l'ego. Et lorsque je parlerai de la conscience cubique de l'ego, je parlerai donc de la conscience quadridimensionnelle qui permet à un cube d'avoir trois dimensions spatiales et une existence temporelle. La conscience cubique de l'ego a besoin d'apprendre l'apprentissage et l'occupation de la cognition astrale. L'homme ne s'apprend pas ce qu'il sait. L'homme est pluridimensionné et cette pluridimensionnalité ne lui permet pas présentement n'est pas exprimable parce qu'il est restreint dans un contexte de quatre dimensions. Nous apprenons rien. Nous vibrons d'une cognition vibratoire intelligente, supramentale, donc extraterrestre, supraterrestre, et cette cognition vibratoire laisse des excréments qui va être l'apanage de la cognition cubique de l'ego, l'apprentissage mémoriel. De ce fait, du point de vue extraplanétaire, du point de vue cosmique, la bubite là, elle apprend ce qu'elle sait là. Sauf que nous ne sommes pas là pour apprendre, nous sommes là pour exprimer. Dans l'expression, nous discernons, nous permettons à de l'énergie discernatrice de pouvoir habiter le contexte quadridimensionnel cubique, ce qui va engendrer le phénomène de l'homme. L'homme va devenir de plus en plus haut en vibration. L'homme aura donc ce que nous appelons un plan divin, bouddhique, supramental, un plan mental, astral, vital, physique. Lorsque tout cela sera fait, la matière physique sera dissoute, la matière astrale sera dissoute, et à travers les trois dimensions de la matière, qui sont présentement une, on en retrouvera trois. À travers la dimension astrale mémorielle, elle sera dissoute et séparée des quatre dimensions inférieures, ce qui va nous donner nos 11 dimensions. On parle de l'enfer comme si c'était la guerre ou la famine. L'enfer, c'est un Pinkerton qui travaille seul un dimanche à la place Crémazie, ou quelqu'un de nuit dans une résidence de malades chroniques qui ne meurt pas. L'enfer est-il proportionnel à la conscience ou à la situation? L'enfer est proportionnel au degré d'involution de la conscience de l'homme. L'enfer n'est pas un Pinkerton qui, après s'être ennuyé pendant 25 ans, réussit à se trouver un petit job à temps partiel où il n'y a rien d'autre à faire que de se bercer puis de checker les choses. Ce n'est pas ça l'enfer. L'enfer, c'est simplement la mémoire de la cristallisation de notre planète. Et si on veut parler d'enfer philosophique ou émotif, ou par exemple, manquer de brandy ou manquer de gin à Noël, c'est infernal. Ou par exemple, avoir un mal de tête puis avoir le Tylenol, c'est l'enfer. On peut parler d'enfer d'une façon philosophique. En fonction des désirs de l'ego et toujours en fonction de notre vision quadridimensionnelle des choses. Le pourquoi n'est pas plus pertinent que le où. Il n'y a plus de cause à effet. Le quoi est plus pertinent. Alors, quoi? On va revenir. Y a-t-il une vie avant la mort? Si oui, laquelle? Existe-t-il une intelligence réelle? Qu'est-ce que réel dans un contexte cubique? Lorsque tu bouffes, une identification à ce Dieu dit intelligent et que tu rends compte que celui et que tu te rends compte que celui-ci ne l'est pas, la recherche n'a pas de fin. Il n'y a pas de recherche. La recherche est un phénomène cubique. Apprentissage, expérimentation, expérientiation. Et comment arriver à une conscience supramentale sans y arriver? C'est exact. C'est génial. C'est merveilleux. C'est bien dit, je le répète. Comment arriver à une conscience supramentale sans y arriver? Ça, c'est une question-réponse. Tout est parfait. Comment être même lors de notre sommeil? Il a ratifié plein de choses ici. Là. On va faire une conférence à un moment donné sur une autre manière de dormir. Mes loisirs sont là pour cacher, me soulager de mon ennui, ma solitude. Je veux me faire face, mais comment? Pour l'instant, faites abstinence du camp et du haut, puis fêtez Noël en paix, en vous disant que nous approchons de 1988. Placer n'importe où quelque part et qu'on va encore continuer à faire des numérologies à partir des dates. Une numérologie à partir d'une date, la seule chose intéressante, c'est que nous cristallisons dans un égrégore particulier une mécanique mémorielle. Alors, si nous voulons faire de la numérologie pour connaître un égrégore, pour le densifier, ça marche. Si on veut faire de la numérologie pour savoir qui on est, comment on a été bâti, ça peut fonctionner pour la simple raison que tout fait référence au même égrégore. Autrement dit, le chrétien doit faire une numérologie à partir de 1988. En 88. Pourquoi? Parce que même si les dates dans le continuum espace-temps sont farfelues, l'égrégore qu'il constitue, lui, est bâti à partir de l'an zéro pendant le Christ. Comment arriver à cellulariser ce que l'on veut? Être, cesser de vouloir, faites. Comment se servir de l'émotion intelligemment? C'est ça. Y a-t-il un truc pour être conscient à tout moment, même pendant le sommeil? On va y revenir. Quelles sont les limites du savoir instantané? Bien. Les limites du savoir instantané, c'est que tant qu'il n'y a pas de matière pour la recevoir, elle n'est pas là. L'intelligence supramentale n'est rien sans l'homme. On peut même dire qu'elle n'existe pas s'il n'y a pas d'homme pour la recevoir. S'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de choses à observer. C'est la limite de l'intelligence supramentale. Et une autre forme limitée, c'est qu'elle n'est pas, elle n'a pas le savoir universel. Elle n'est pas omnisciente. Elle est omnipotente, elle peut tout. Elle est omniprésente, elle est partout. Elle n'est pas omnisciente, il manque l'homme. Ce savoir instantané n'est là que sans penser. Pourquoi l'ajusteur de pensée? Parce que l'ajusteur de pensée est là pour fractionner l'ego en multiples portions, de façon à lentement, sans trop de souffrance, démolir carrément ce qui constitue l'homme présentement, de façon à ce que le 95% d'occupation mémorielle quadridimensionnelle lentement s'efface sans qu'il y ait trop de problèmes. Pour l'ajusteur de pensée, c'est un terme intéressant qui a été personnifié. En réalité, c'est un tueur d'ego. En réalité, c'est un tueur d'âme. En réalité, c'est un densificateur d'énergie astrale. En réalité, c'est un perfecteur d'involution astrale. En réalité, c'est un évolueur astral. En réalité, c'est un phénomène qui n'est pas quadridimensionnalisé, même si on met le terme ajusteur de pensée pour arriver à exprimer à notre ego ce que l'on veut dire, et qui oblige l'âme à devenir de l'énergie vitale, donc qui projette l'âme dans une continuation d'involution pour permettre à l'énergie qui descend de pouvoir prendre la place. Comment accepter mes émotions et mes pensées sans les énergiser? Écoutez-vous-en. Comment s'ouvrir le plus possible à la vie? Écoutez-vous-en. Je ne passe pas les questions rapidement. Je réponds aux questions. De temps en temps, il faut parler. De temps en temps, il faut se taire. Comment apprendre mieux par soi-même? Foutez-vous-en. Apprendre. Apprendre. On ne doit pas apprendre. On doit comprendre. Et comment comprendre par soi-même? Comprenez juste là la problématique de l'expérimentation. On ne doit plus fonctionner par la logique. Je n'ai jamais été logique, je suis cohérent. Comment seulement de s'abandonner à la vie intelligemment? Vous allez savoir ces choses-là. Comment vivre réellement sans penser? Comment détecter et désarmer les pièges de l'ego? La personne, elle est proche, proche, proche. La question, elle est en bout du nez. La réponse aussi. Lorsque l'univers sera en régression, le temps se déroulera-t-il à rebours? Non. Non. S'il n'y a pas de commencement et pas de fin, pourquoi le rôle de l'homme est de bloquer l'expansion de l'univers? Et quand sera-t-il après? Le rôle de l'homme est de bloquer l'expansion évolutive de l'univers dans le sens quadridimensionné de l'explication cubique donnée à l'ego par l'orateur. Le rôle de l'homme, c'est de détruire l'univers. C'est bien évident. L'univers, c'est les quatre dimensions qui bloquent tout. La putain cosmique, on va y revenir. C'est le phénomène qui a engendré la création et qui, de putain en putainage en putainage, a engendré l'homme. La conscience cubique. Et là, ne vous posez pas une question. Est-ce que Picasso avait compris? Je ne parle pas de l'or cubique. Mais regardez à quoi ressemble l'or cubique. Très intéressant. Bien, ça explique un peu à quoi ressemble la conscience cubique de l'astral. Tu peux avoir l'œil n'importe où, la fesse n'importe où, le nez n'importe où. C'est le cubique. C'est très intéressant. Qu'arrivera-t-il après dans l'explication cubique? Je vais un jour en parler. Ça s'en vient. J'ai besoin de l'entendre. Ça s'en vient en vache. Mais pas tout de suite. Parle-moi de la sixième dimension, mon 5% et plus. Écoute, ne dis pas que c'est pas le temps, car il n'existe pas par rapport à mon 5%. C'est pourquoi je veux que vous vibriez le phénomène du où et du quand. Écoute, ne me dis pas que c'est pas le temps, si boire, je t'écœurerai, je veux savoir. Vision quadridimensionnelle, planifiée par l'impatience, qui est la friction du temps sur l'espace. Lorsque l'espace avance plus vite que le temps, il y a de la friction. Lorsque le temps avance plus vite que l'espace, il y a de la friction. Lorsque les deux avancent en même temps, il y a la plénitude. Alors, je ne te dirai pas que ce n'est pas le temps. Voilà. Quand on se couche très tard et qu'on a beaucoup trippé, l'ego est énergisé. Vu que l'ego est énergisé, y a-t-il de l'énergie qui est transmise au corps physique? Non, il y a une dynamisation des circulations énergétiques dans le corps physique. La musique existe-t-elle pour empêcher l'homme de se connaître ainsi que brouiller la vision du rôle qu'il a sur la Terre? Non. Depuis que j'ai commencé à me conscientiser, vision très cubique. Depuis que j'ai commencé à me conscientiser, non. Depuis que j'ai découvert que je me conscientisais toujours, je ne sens plus le besoin d'écouter de la musique classique qui était une chose pour moi. Explique. Pourquoi expliquer? Depuis que je suis guéri, j'ai plus besoin de médicaments. Pourquoi? Depuis que je suis transformé, j'ai plus besoin de ça. La musique, elle est très intéressante. Ce n'est pas un frein, c'est un immense frein. Ça dépend des individus. Pourquoi expliquer? Merde, écoute-en plus. Simplifions donc la vie. J'ai assisté à deux reprises à ma mort. La première fois, par pendaison, sans aucun effet psychologique, de voir mon corps dans cet état. La deuxième fois, j'ai tout simplement quitté mon corps physique consciemment. J'étais sur des nuages blancs et je recevais des groupes de 3 à 5 personnes connues, mais sans y mettre de nom, et je leur expliquais de l'autre côté du tunnel dans lequel je les dirigeais. Les illusions qui existaient dans cet autre monde. Pourquoi le vécu de ces expériences? Choriage. Quelle que soit la consistance du charriage, c'est un charriage astral. Il est bourré d'archétypes, bourré de mémoire, bourré de tradition, bourré d'orgueil, même si l'individu ne veut pas l'admettre. Les questions que je ne réponds pas, il y en a une ou deux, c'est que ce sont des questions que je ne vois pas l'intelligence de répondre. Vous pouvez poser vos questions, et lorsque je ne réponds pas, vous avez la réponse. Comprendre le où et le quand, je reviens souvent, je n'y reviendrai pas souvent en 88. C'est fondamental. Ça doit être vibré, perçu. Le processus de l'effusion de l'homme est un processus où les 11 dimensions vont lentement s'accoler les unes sur les autres jusqu'à s'intermêler à un point tel qu'une densification majeure va apparaître pour finalement éclater en explosion quadridimensionnelle, 4 dimensions qui n'existent pas dans les 11 dimensions. 4 dimensions qui, n'existent pas dans les 7 dimensions. Et qui, présentement, lorsque je parle de 11 dimensions, sont juxtaposées à ce qui les supporte. Il y a 7 dimensions premières, et dans l'univers, présentement, il y a 11 dimensions primaires qui sont accolées ensemble, sous forme de 4 dimensions à travers lesquelles nous ne pouvons plus discerner. Pour comprendre, c'est-à-dire pour permettre la fusion, pour permettre la cognition vibratoire réelle, la cognition vibratoire qui ne se connaît pas elle-même. Nous devons comprendre le phénomène qui peut faire en sorte qu'un jour nous disons des choses et que le lendemain matin, nous ne nous rappelons pas de ce que nous avons dit. Et nous ne devons pas faire exprès pour s'en rappeler. Nous ne devons pas fouiller. Oui, mais c'était tellement bien. Voyons donc comment j'ai dit ça. Ça, c'est de l'apprentissage mémoriel. C'est une cognition astrale. C'est du cubisme. Jamais plus on ne doit dire où. Jamais plus on ne doit dire quand. C'est du cubisme. Cela fait partie des 4 dimensions limitées de la conscience astrale. Le 8 janvier, je donne une conférence. C'est un vendredi. Le processus de l'effusion. En 88, je ne parle que de choses neuves. J'ai commencé un petit peu avant. Les dates. Je les oublie toujours. Voilà.